FrenchPod.com. Oui, mon cœur, je sais que tu as peur, mais la patinoire va fermer le 1er mars. Alors, il faut en profiter. Elle rouvrira à la fin de l'année, ta patinoire. On pourra y aller à ces moments-là. Mais non, allez, viens. Je n'ai pas envie d'attendre 8 mois. Votre pointure, s'il vous plaît. 38. Et vous, monsieur? 43. Ça fait 10 euros. Voilà vos patins. Doucement, détends-toi, ça va aller. Mais j'ai peur, ça glisse. Peur de quoi? Je suis là, tiens-moi la main. J'ai peur de tomber. Et pourquoi tout le monde patine aussi vite? C'est pour se moquer de moi, c'est ça? Mais non, chérie, tu fais déjà des progrès. Attention, pas trop vite, attention.